sera bête, tant qu'on sera tous traits, tant qu'on sera la race qui sent détail, t'en bat, tiens, entends la voix, fat attends, fatidique, gros tête, du fanatique car dans les bras de Satan, bien qu'on soit dur, un temps soit peu à l'excès, à laisser, je conçois quête, pour souvent c'est vrai que c'est trop demandé, ce monde est fou, entre nous mieux, veut avancer ce monde ou vieux, alors c'est tendu, ceux qui pensent être parés sont tarés, sûr et certain, disparaît la peur quand la source t'arrive. J'arrête, ok c'est con qu'avec vous les choses feignent d'être réelles. J'saine car tout ça m'embête, hors tendance. En attendant le truc qui les fera tous crier, truc qui me fera peut-être prier. Mais j'en ai rien à foutre, moi j'm'en fous de tout, j'm'en fous de toi et tous les cons que j'côtoie. Moi j'm'en tape, mais sans doute de ceux qui rampent à côté. Si tu captes, moi j'suis apte à prendre le temps de décoder. Moi j'suis haut, toi dis doc, et pas de nature à connaître. J'connais trop de moi couvrir raisonner. Moi je m'en tape de tes mains, aussi ton pote me connaît. Moi si je rappe, c'est sans battre, c'est sans me battre et sans cogner. Si tu captes, je suis pas apte à jouer ou trop déconner. Si on rappe, le jeu c'est faux raisonner. Tant qu'on sera bête, tant qu'on sera tous traits, tant qu'on sera la race qui s'entête à être en bas. Tiens, entends la voix, fat attends, fatidique, trop peut-être. Je suis fanatique car dans les bras de Satan, défaitiste, parce que je peux pas changer le monde, pessimiste. Le mal abonde 2000 ans après le Christ, des USA aux Indes, de la Chine à l'Europe. On se casse les Chines à se battre, se scinde alors le rap. Y'a ceux qui réfléchissent, y'a ceux qui clashent, ceux qui rappent par effet de mode et enfin ceux qui créent les schismes. Si j'ai honte de ça, c'est parce que putain j'en ai chié. Pour apprendre à composer, exprimer mes idées, j'aurais pu laisser tomber. Pendant ma formation, j'ai compris que le métier bête, mais c'est devenu ma passion, mais sans blague. J'aurais pu faire du rock, j'aurais toujours eu honte pour mes semblables. Moi je m'en tape, mais sans tact, et ceux qui rappent à côté. Si tu captes, moi je suis apte à prendre le temps de décoder. Moi je suis autodidacte, et pas de nature en cogner. Je connais trop de moi courir raisonner. Tant qu'on sera bête, tant qu'on sera tous traits, tant qu'on sera la race qui s'entête à être en bas. Tiens, entends la voix, fat attends, fatidique, trop peut-être. Je suis fanatique car dans les bras de Satan. Tant qu'on sera bête, tant qu'on sera tous traits, tant qu'on sera la race qui s'entête à être en bas. Tiens, entends la voix, fat attends, fatidique, trop peut-être. Moi je m'en tape, mais sans tact, et ceux qui rappent à côté. Si tu captes, moi je suis apte à prendre le temps de décoder. Moi je suis autodidacte. Pas de nature à connaître, je connais trop de moi couvrir raisonner. Moi je m'en tape que t'es mal, aussi ton pote me connaît. Moi si je rappe, c'est sans battre et sans cogner.